L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. La France va accueillir 60 migrants de l'Aquarius débarqués à Malte, annonce l'Elysée. L'Espagne va quant à elle en accueillir 60 dans le cadre d'un accord avec d'autres pays européens, tandis que le Portugal devrait en recevoir une trentaine. Le Premier ministre maltais a finalement donné son accord cet après-midi pour laisser accoster le navire après un accord pour les répartir dans plusieurs pays européens. La France, l'Allemagne, le Luxembourg, le Portugal et l'Espagne. L'Aquarius avait recueilli vendredi ses 141 personnes, dont la moitié sont des enfants, au large de la Libye. Le bilan continue de grimper. Le ministre de l'Intérieur italien annonce que l'effondrement d'une portion du pont Morandi a fait au moins 30 morts. Cette portion d'un viaduc de l'autoroute A10 s'est écroulée à Gênes alors qu'un violent orage s'abattait sur la région. Des portions du viaduc se sont abattues sur une voie ferrée, des immeubles et une rivière se situant en contrebas. Construit dans les années 60, l'édifice avait connu d'importants travaux de rénovation en 2016. Plus de 200 pompiers sont mobilisés. La cause de l'effondrement n'a pas encore été identifiée. Plusieurs piétons ont été blessés ce matin quand une voiture a foncé sur les barrières de sécurité devant le Parlement du Royaume-Uni à Londres, selon la police britannique qui a arrêté le conducteur. La police a par ailleurs annoncé qu'aucun des blessés n'était en danger de mort. La section antiterroriste de Scotland Yard a pris la direction de l'enquête. Le Royaume-Uni a été frappé en 2017 par une vague d'attentats, dont 4 revendiqués par le groupe État islamique, qui ont fait au total 36 morts et 200 blessés. L'un d'eux a été commis en mars sur le pont de Westminster et devant le Parlement. Enfin, un mois après le titre de champion du monde glané par les Bleus en Russie, les fans de l'équipe de France s'impatientent et veulent leur maillot 2 étoiles. Brièvement disponible après la finale de la Coupe du Monde sur le site de l'équipementier Nike, les tuniques officielles ont été rapidement retirées de la vente. Mais l'attente touche à sa fin. La commercialisation tant attendue des tuniques des Bleus devrait satisfaire les fans dès vendredi. Mais tout le monde ne pourra probablement pas revêtir le maillot des champions du monde dès les premiers jours. En effet, Nike a préparé uniquement une première série de 30 000 maillots. Écoutez, Espace, la plus normande des radios. With a body like that, when he Snapchat me girl, send me off his screenshot, so me call her scotch on it, so the girl hot, she a bubble like soap, that a real pepper pot. Check your iPhone for the iMessages, send me outside, park up in at the X6, with the Guinness and Magnum, ready with the mix, so me know tonight your business get fixed, girl. Me love all your wine and bubble, girl, when you go on your toe and tip on it. Body look tight and right, girl, when you print up your thing and grip on it. Treat me like a app when you add, put me on the desktop, then you double click on it. Me why you bum flick on it, do all kind of trick on it. Wine girl, same way. Wine girl, in a come up in a game play. Wine girl, same way. Wine girl, do all kind of trick on it. Wine girl, same way. Wine girl, me not come here for no game play. Wine girl, same way. Wine girl, feel gangsta never chase a girl. After a while replace a girl. Cut them off clean like razor girl. Loud the one yes, such a she a must laser a girl. Been around the corner like drifter. Win gold medal for slapping carifter. Me a put in the tip yeah. She a throw it back Thursday Instagram picture. Me love all your wine and bubble girl. When you go on your toe and tip on it. Body look tight and right girl. When you print up your thing and grip on it. Treat me like a app when you hot. Put me on the desktop then you double click on it. Me why you bum flick on it. Do all kind of trick on it. Wine girl, same way. Wine girl, in a come up in a game play. Wine girl, same way. Wine girl, do all kind of trick on it. Wine girl, same way. Wine girl, me not come here for no game play. Wine girl, same way. Wine girl, girl dip, dip, dip, dip on it. Some me know tonight, girl dip, dip, dip, dip on it. Some me know tonight, your business get fixed, girl dip, dip, dip, dip on it. Some me know tonight, girl dip, dip, dip, dip on it. Some me know tonight, your business get fixed, girl. Me love all your wine and bubble, girl. When you go.

fêtes de Muy organise sa foire à tout le dimanche 19 août. Rendez-vous sur le stade de foot de 5h à 18h. De nombreux exposants pour le plus grand plaisir de tous les chineurs. Inscription auprès du Café de la Poste jusqu'au vendredi 17 août, du lundi au dimanche, de 8h à 20h. Fermé le mercredi. Restauration sur place. La foire à tout du comité des fêtes de Muy le dimanche 19 août sur le stade de foot. Un événement avec espace. La maison Barbet à Louviers, c'est la référence en Normandie. Sylvie et Patrice Barbet vous proposent des produits raffinés, faits maison et de qualité. Vos chefs charcutiers traiteurs apportent leur expertise et leur innovation pour votre satisfaction. Toute l'année, dégustez des offres sur des produits de qualité faits maison, goûtez l'authenticité et découvrez nos nouvelles idées. Désormais, snackez avec Barbet, formule snacking du midi, du mardi au vendredi, de 5,50 euros à 7,50 euros. Pour déjeuner à petit prix avec saveur garantie. Charcuterie du Parvis, maison Barbet, goûtez l'authenticité. 43 rue Maréchal Foch à Louviers, 02 32 40 02 77. Pour votre santé, bougez plus. Hey, salut, ça va? Hey, je recherche une auto-école, t'as un plan? Ouais, j'en ai un, va chez Laurette. Quoi? Hein? Quoi? Mais chez Laurette? Mais pourquoi? Elle en connaît une? Eh non, chez Laurette, c'est l'auto-école justement. Ah ouais, ok, super, merci. Oh, bah, je vais voir Laurette tout de suite alors. Hein. Chez Laurette Auto-École à Pont-Audemer, rue des Déportés. Permis B+, AAC, conduite accompagnée à partir de 15 ans. Permis AM, scooter à partir de 14 ans. Et maintenant, permis sur voiture automatique et pour les personnes à mobilité réduite. Plus d'infos sur le site de chezlaurette-autoécole.fr. Chez Laurette Auto-École, c'est aussi à Beuzeville et à Montfort-sur-Risle. Chez Laurette 02 32 42 5914 du mardi au vendredi de 14h à 19h et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h. Retour des meilleurs tubes dans quelques secondes sur Espace. Rendez-vous pour Cinéthé 2018 à Val-de-Reuil. Du 14 juillet au 15 août, 33 films projetés sous les étoiles dès la tombée de la nuit. Venez vivre une expérience du 7e art originale en plein air. Installez-vous sur la pelouse de l'esplanade de la mairie et laissez-vous emporter par les chefs-d'œuvre cinématographiques sur grand écran. Cette année, la nature et les animaux sont à l'honneur. Du 14 juillet au 15 août, le ciné prend ses quartiers d'été à Val-de-Reuil avec l'association Sous le Soleil Exactement. Un événement ville de Val-de-Reuil avec espace. Plus d'infos, www.valdereuil.fr. La plus normande des radios, Espace Radio. Your mouth. Shut your mouth. And if you don't know the name, know it, babe. Know it, babe.

Despacito. Écoutez maintenant Espace en Normandie. Hey guys, it's me. Just hanging out with the girls. Do you know what you're doing for Valentine's Day? Quand t'es star

Espace. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. La nuit dernière, une voiture Bélier a forcé le rideau de fer du bureau de tabac du centre commercial Kennedy à Biorel. Seule une dizaine de paquets de cigarettes a été volée. Le propriétaire avait fait le vide avant de partir en congé, mais de nombreux dégâts matériels sont à déplorer. Les enquêteurs vont visionner les enregistrements des deux caméras de surveillance installées dans le quartier. Et puis hier soir, un homme âgé d'une trentaine d'années armé d'un pistolet s'est présenté dans une supérette des Peignes, a braqué la caisse. Après le vol à main armée, les gendarmes ont intercepté un véhicule avec deux hommes à l'intérieur et ils ont été placés en garde à vue. À Livarot, France Ouest Imprime ferme ses portes. Reprise en juin 2013, l'imprimerie Augeron vit depuis deux ans une situation financière compliquée. Thierry Grinderge, le PDG du groupe éponyme qui a repris l'entreprise, jette l'éponge. Un plan d'accompagnement des 52 salariés par une cellule de reclassement va être mis en place en septembre. Demain, 15 août, jour de l'Assomption, comme tous les ans, se tient la traditionnelle fête des marins de Berville-sur-Mer avec une messe suivie d'un défilé des petits porteurs de maquettes de bateaux jusqu'à la mer. Enfin, depuis une vedette, le prêtre bénira la mer et rendra hommage aux marins disparus au large du seul port de l'Eure. Par ailleurs, à Lisieux, plus de 2000 fidèles sont attendus pour des messes et une procession de la statue de la Vierge du Sourire. À Saude-Villers-Rouen, la messe de l'Assomption, devenue traditionnelle, se tiendra le matin en plein air devant la réplique de la grotte de Massavielle, située sous l'église Notre-Dame de Lourdes. Enfin, sachez qu'à Saint-Marc-de-Fresnes aura lieu la fête de la confrérie de charité, marquée par une procession guidée par des tinteneliers et ponctuée de nombreux chants et prières. Les fêtes médiévales s'emparent de nouveau de l'abbaye de Mortemer à l'Isère. L'événement est reconnu en Normandie pour la qualité et l'authenticité des reconstitutions historiques et des spectacles de haut niveau dans le domaine de cette abbaye royale cistercienne dont l'histoire nous est résumée par sa guide Ilona Garcia. Fondée en 1134 par Henri Ier Beauclerc, donc en fait pour accueillir à la base des moines bénédictins qui souhaitaient quitter leur monastère près de Gisors, à Bernouville, Beaumont-le-Péreux. Et ils ont vécu ainsi jusqu'en 1789. Donc avec une apogée de l'abbaye au 15e siècle, avec 200 moines qui vivaient ici. Partiellement en ruine, l'abbaye accueille encore demain des démonstrations de combat ou de jeux équestres, un grand spectacle sonorisé de tournois de chevalerie et des campements pour découvrir la vie quotidienne au Moyen-Âge. Il y a un marché avec une quarantaine d'exposants. Des bijoux médiévaux, des couteaux médiévaux, de la nourriture avec des méthodes de fabrication anciennes, de la décoration, des armes, des livres. Et puis pour la première fois aussi, des machines de siège sont présentées lors d'une animation comique et un groupe de musiciens fait découvrir les œuvres du 12e et 13e siècle, les musiques sacrées et des chansons de trouvères sur lesquelles vont danser la troupe de l'abbaye de Mortemer. Sachez que les visiteurs peuvent également emprunter un costume du Moyen-Âge pour être entièrement replongés dans l'époque. Et puis demain se tiendra également la traditionnelle course d'âne de Gisé-la-Coudre, commune déléguée de Ménil-en-Ouche. Pour cette 38e édition, 3200 entrées payantes ont déjà été enregistrées avec un point d'orgue à la course des élus du canton. En football, à l'occasion du premier tour de la Coupe de la Ligue, Le Havre de Ligue 2 accueille ce soir Bourg-en-Bresse de National 1 et le Quevilliron Métropole, relégué en National 1, affronte ce soir Radio-Champ 3 de Ligue 2. Et puis à présent, un point sur les prévisions météo pour demain. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie, avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Demain, après une matinée nuageuse, le retour du soleil est annoncé dans l'après-midi. Le thermomètre atteindra les 24 degrés sur Pont-Audemer ou encore la métropole Rouen-Normandie, 25 degrés sur Bernay-le-Neubourg, les Andelys, Gisors ou encore le Pays de Bray et le Beauvaisis, 26 sur Louviers, Évreux et Vernon. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Écoutez, Espace, la plus normande des radios. We are the infinity.

Le but d'une vie c'est de faire de la monnaie. C'est pas ton équipe et ton racolé. Toutes tes copines, ouais, on les connaît. À force de zoner, ouais, on les a rôlées. Je suis abattu, je perds le fil. Et t'as pas un euro, fais pas de deal. Et t'as pas un kilo, fais pas le dealer. Je prends pas ça au sérieux, ouais, ça fait dealer. La grosse dandine. Tu peux pas changer de forfait, t'ont abandonné. Donc tu mets tes gants, tu mets ton bonnet. Et tu cours, continue de zoner. Donc tu sors, t'es beau, t'es bien accompagné, ouais, donc c'est bon, c'est bon. Elle a vu tout ton zéyo. À partir de là, ouais, tu te casses les dents. Ouais, tu te casses les dents, tu dépasses les bancs. Tout ça parce que la femme est bonne, mais toi tu la frictionnes, les consos s'additionnent. À la fin, c'est qui paye, bah c'est pas elle qui donne. Moi, je voulais m'en aller. Ouais, tant d'années, j'essaie de faire le vide, souvent sourire, de faire le tri. Moi je voulais m'en aller, et ce depuis ouais, tant d'années, j'essaie de faire le vide, souvent sourire, ouais, de faire le tri. Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le mardi 14 août. Ce soir sur TF1, des rediffs de Camping Paradis avec Laurent Ornac. Hein. Et ce soir, il va encore aider des gens à trouver des solutions, mais rassurez-vous, c'est ça l'esprit de ce téléfilm. Hein. On se shampouine, on s'engueule, mais à la fin, tout le monde est content, on se bisouille et on fait la danse du... Camping. France 2, le meilleur des années bonheur de Patrick Sébastien. On va revoir plein de chanteurs, de chanteuses, de groupes que l'on ne voit jamais à la télé, mais que t'es content de revoir et surtout, tu chantes à gorge déployée, comme disait ma grand-mère devant la télé. 23h15, Laurent Ruquier, des rediffs également, des enfants de la télé, c'est une spéciale années 90. France 3, les années perdues, un téléfilm, une rediff. Un homme est retrouvé mort dans son salon, sa femme est accusée, mais elle souffre d'Alzheimer. L'une de ses filles est convaincue que ce n'est pas sa mère. Elle décide de mener sa propre enquête. Canal, l'atelier, un drame avec Marina Foïs. C'est l'histoire d'une romancière parisienne qui anime un atelier d'écriture pour des jeunes sans emploi. Elle va même se servir de ses ateliers pour écrire son prochain roman, mais un jeune homme l'intrigue par sa noirceur, s'affiche la trouille. Arte, les dossiers secrets du Vatican, c'est un documentaire sur les dossiers secrets du Vatican, d'où le titre. M6, c'est vraiment la cata de cet été. Hein. Audition secrète, hein, qui deviendra une star sans le savoir. Franchement, je ne suis pas convaincu qu'on les revoie l'année prochaine. En même temps, ça me fait presque plaisir. Le meilleur de la TNT, W9, Astérix le Gaulois, histoire de pourrir la soirée des parents. TMC 90 minutes, l'enquête avec des rediffs un été sous haute tension pour les gendarmes du Sud. France 5, un documentaire au bout, c'est la mer. Et ce soir, on parle du fleuve le Mekong. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé.

et c'est moi qui pilote. Allez bien, on tourne la page, on passe au deuxième épisode. J'ai fait des erreurs, j'essaie de corriger mes fautes. Si ça passe sur moi, bébé, n'écoute pas les autres. J'aime trop les drifts, c'est vrai, j'ai dérapé. J'faisais l'innocent, même les preuves sous les nez, j'connais les rues de ton cœur. Car je les ai sillonnés. Pourquoi s'éviter, toi-même, tu sais, on est. La marque que j'lui mente, elle se demande qui suis-je vraiment. Suis-je vraiment? J'suis un même mécano, ou un mécano. Un même mécano, ou un mécano. Oh, j'suis un même mécano, ou un mécano. Un même mécano, ou un mécano. L'argent n'achète pas, j'suis un mécano. Pareil, j'ai plus de vis qu'un mécano. L'argent n'achète pas, j'suis un mécano. Pareil, j'ai plus de vis qu'un mécano. Mi amor, ti amo. Cœur de pierre cache peut-être un diamant. J'ai peur tout tombe à l'eau. Et que l'amour se noie dans les sentiments. Car après s'aimer on finit par s'haïr. T'étais fidèle mais moi je t'ai trahi. Jamais à l'heure, me parle pas de bonheur. Je te fais vivre le pire pour qu'il ne reste que le meilleur. Elle en a marre, je lui montre. Que je lui montre, elle se demande qui suis-je vraiment. Suis-je vraiment? Je suis un même mécano ou un mécano. Un même mécano ou un mécano. Oh, je suis un même mécano ou un mécano. Un même mécano ou un mécano. L'argent n'achète pas, je suis un mécano. L'argent n'achète pas, j'suis un mécano. Pareil, j'ai plus de vis qu'un mécano. J'suis un même mécano ou un mécano. Un même mécano ou un mécano. Oh, j'suis un même mécano ou un mécano. Un même mécano ou un mécano. L'argent n'achète pas, j'suis un mécano. Pareil, j'ai plus de vis qu'un mécano. L'argent n'achète pas, j'suis un mécano. Pareil, j'ai plus de vis qu'un mécano. Une meuf, c'est comme une caisse, caisse, caisse. Fais pas la carrosserie, regarde le moteur. Puis tu prends de la vitesse, t'es. Plus tu fais battre son cœur. Fais pas le pilote si tu gères pas. Et si tu te craches, j'espère que ta meuf, elle a de gros airbags. Oh, oh, yeah. Écoutez Espace. Espace, la plus normande des radios. T'as tout bien, tout en bien, t'as tout bien. Vamos ver si tout a bien. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Y'en a qui sortent en équipe, avenue Montaigne, François 1er. J'suis avec ma go en fourraillé au cas. Faudrait simplifier quand tu pilotes un prototype, faut assumer. Elle est tellement douce, obligée de faire dans la durée. Avec elle, c'est le marathon. Avec elle, pas de baratin. Bang, bang, bang. Si tu traînes dans un baratin. Mamma fiosa, mamma fiosa. Así você me mata. Aime-la que je parle en portugais. Mon amour commence à se mesurer. Elle veut en faire, je suis torturé. Je pense que la suite sera censurée. Eu tô bem, tout en bien, t'as bien. Todo mundo aqui tá bem. J'suis avec ton mec, t'as tudo bem. Eu tô bem, tout en bien, t'as bien. Todo mundo aqui tá bem. J'suis avec ton mec, t'as tudo bem. É mafiosa, é mafiosa. É mafiosa, salto novo e bolsa nova. É mafiosa, é mafiosa. Com a mafiosa não brinca com seu homem. Então faz eu me apaixonar. Vem comigo nesse samba. Vamos ver se vai rolar, meu bem. Je laisse le volant, la vitesse augmente. Monte le volume, elle est choquante. Ce soir on sort et c'est moi qui chante. Envoie le cachet à tous mes potes qui rentrent. On est 50 motherfuck. Ouais, ce soir on est 50 et on est 50 motherfuck. Ouais, ce soir on est 50. Eu tô bem. C'est elle qui nettoie mes armes. C'est à deux qu'on fait le ménage. Samba, samba, samba. É uma rocane à brasileira. Se mexer com meu marido, vai levar peixeira. Ele tá aqui comigo, aqui no RDV. Não vem brincar comigo, porque eu sou uma brasileira. Eita, eu tô bem. de sons, plus de tubes. Plus de sons, plus de tubes. Espace. Espace. I never knew anybody. Espace. Parlons de l'Europe. Parlons de l'Europe. Salut à tous, salut Pauline. Quelle est l'actualité de l'Europe en plein cœur de cet été ? Eh bien Cédric, elle est calme comme partout et pourtant elle est aussi très chaude. Vous l'avez remarqué, ces mois de juillet et août ont été exceptionnellement chauds et ce n'est qu'un début. De la Suède au Portugal, les températures ont grimpé et au Portugal ou en Grèce, ce sont de nombreux feux de forêt qui ont ravagé la nature. L'Europe a son rôle à jouer dans ce combat climatique puisque nous serons toujours plus forts à 28 que seuls pour la planète. La Commission européenne a aussi conscience de la difficulté du milieu agricole à s'adapter à ce changement, à cette sécheresse. Elle a d'ailleurs décidé de baisser les normes environnementales le temps que la période de sécheresse se termine, soit le 16 août. De plus, face aux incendies en Grèce, l'Union européenne a déclenché son mécanisme de protection civile pour lutter ensemble contre les catastrophes. Chaque pays peut alors choisir d'entrer dans ce mécanisme et de mettre des moyens, car même avec 28 petits moyens, on peut faire de grandes choses. Plusieurs pays participent déjà, une preuve de plus que l'entraide européenne est souvent la clé de l'efficacité. L'Union européenne est sans aucun doute le meilleur échelon pour travailler sur des enjeux comme le climat. Alors, elle n'était pas très réjouissante, cette actualité, mais la Maison de l'Europe a tenté de mettre l'accent sur le côté positif de ce beau temps, c'est le voyage et les photos souvenirs. N'oubliez pas le concours photo de la Maison de l'Europe pour nous faire partager vos talents d'artiste et tenter de gagner un des deux week-ends à Amsterdam. Le règlement et toutes les conditions pour participer sur notre site maisondeleurope27.com. En attendant, je vous souhaite d'excellentes vacances sur Espace avec la Maison de l'Europe. Espace. La plus normande des radios. La plus normande des radios. Some like their dreams to fill their days. Inside their broken hearts they wait. The future's fire lights up the gray until the clouds all blow away. J'endosse l'écorce, je pense trop fort. On dit que sans masque, je vaux de l'or. J'amorce mon vol au-dessus du sol. Je saute dans le vide sans peur. Je vole avec toi vers demain. Je veux ton amour dans mes mains. Je veux vivre ici, ailleurs. Je saute dans le vide sans peur. J'avance. There's nothing stronger than us. If we can be as one, it's gonna be a new day. We'll leave these walls tonight to run. We've only just begun. No matter what they all say, in fear, we'll throw these chains out to fly up to the sky. We'll keep the outside looking in. Je sauve des océans de roses. Je rase les murs de simples choses. Mon bras. Autour je trace ma terre brûlée, l'âme sous le feu pour faire le pas. Seuls les vrais, les frères sont là. C'est le jour du grand départ. Tu verras, je suis pas venue pour te décevoir. Je sais bien, ça pourrait prendre des années pour rien. Et puis tout pourrait bien s'effondrer demain. Si j'endosse l'écorce, je pense trop fort. On dit que sans masque, je vaux de l'or. J'amorce mon vol au-dessus du sol. Je saute dans le vide sans peur. Je vole avec toi vers demain. Glisse-moi secret dans les mains. Je veux vivre encore ici, ailleurs. Je saute dans le vide sans peur. J'avance. Come, love, drive up the beat, strong. There's nothing strong. My dear, we'll leave these walls tonight to run. We've only just begun. No matter what they all say, in fear, we'll throw these chains off to fly up to the sky. We'll keep the outside looking in. Est-ce que rien n'est joué? Est-ce que rien n'est joué d'avant? Danse au-dessus des lignes, ici, ailleurs. Je marche sur le vide sans peur. Le sol crache toutes ses couleurs. Le sol tremble, pas plus bas que tous ces gens que j'admire. Je vole pas moins haut que tous ces gens que j'admire. Je vole pas moins haut que tous ces gens que j'admire. It's gonna be a new day.

Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Écoutez, Espace, la plus normande des radios. Take a turn, I'll find your groove. It's alright, we can do this all night. Yeah, just move your sexy body. It's alright, we can be here all night. All we really need is sex, love, and water. It's still a place you wanna make love all night. All we really need is sex, love, and water. I know a sad soul.

toi, l'avenir appartient à celui qui s'impose et qui ne baisse pas les bras. Même si t'en as assez, plus tu dors sur toi-même, mais plus il est difficile de se relever. Jeune homme, lève-toi, bat-toi, l'avenir appartient à celui qui s'impose et qui ne baisse pas les bras.